on se voit même pas quand on dit cul cul. Je pourrais dire j'ai mal à l'œil. Non mais justement, et donc du coup tout ça c'est que finalement on continue à regarder ton visage. On imagine que tu as plus de leur tu tu des chips ou pioche. Pendant la nuit.